fais des ravages. Sur le mic, je fais mon paragraphe. Je t'aime sauvage, mais les tranchantes comme une hache. Chaque route THC. Pour m'évader, je sais quoi m'acheter. Arrêtez, non, j'aime autant mieux pas y penser. Je veux ma dose, essayez pas de me l'enlever. Avec ma faille, je m'élève au ciel. Pas un mic, je veux mes décibels. Pis c'est pas à temps partiel, je vise tes oreilles. Avec mes lignes à haute tension, attention, pas sans raison. Je vandalise le microphone, sonne à coup de peine, je performe. C'est à coup de peine que je consomme. Pis si t'aimes, je t'informe. Mon nom c'est Resurrect, équipé d'un kilo de dialecte. Toujours nice avec un mic, MC Big Size, slice les instruments 16 mots. M'applique si jack shit, que je te kick avec un fat text. Je pêche de mon crayon big, après je flex, j'ai vite de stresser, mais si vite va la vie. Resurrect, prophète de rue, soir en série d'instru. Non, tu seras pas déçu. Avec main, je fais mon shit, pis les wacks, on marche dessus. Yeah, les wacks, on marche dessus. At the same time, three bitch. J'ai du 3 plutôt 6. Resurrect, get drugs and rich. Puis main, je collectionne les chicks. To reality, coming back to you. Avec mon match, je m'accuse de tout. Imagine Resurrect, the Minecraft on Ace. Rapping plutôt et sa base. Yeah, yeah. Yeah. All this shit in this world, all this bitch in this girl, they all could make my toes curl. With this girl, can make sex like with my ex. But there's no love involved, the problem to resolve. Reputation comes from above, from ghettos, metro station. I'm a liar, I'm a hunting bitch. That can turn me on and get rich. She could work for me if she's ready. A body and top, I fucked up pussy. Mate, yes, that's me. A big resurrect, mon ami. Rapping for my family. And Quebec and Italy and New Jersey. Bitch, be pretty, suck up on me. Or fucking doggy with me, honey. So sweet, shorty, takes your pants down. Look what I found, let me hear that sound. Look up, these are surround. Moving to proceed, waiting for her to be respawned. Faster you going, deeper, I'm trying. Making boo while now I'm flying. Bitch, quit playing, girl, quit teasing. I'd fight for one night, so bright, so tight with you, but it's so tight that I can't break through. No, I can't. Sorry. Can't break through. No, we can't break through.